Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve, comme chaque samedi, pour passer une demi-heure ensemble à écouter du disco et du funk. Pour démarrer la découverte, on va partir sur un projet. Je m'explique. Le groupe High Gloss a été créé par Giuliano Salerni, j'ai vraiment du mal avec les noms, en 1981. Le groupe rassemble pas mal de chanteurs-musiciens durant une session, comme Luther Vandross et Bonita Taylor. Alors Luther fait d'ailleurs les chœurs sur ce morceau. Le chant, c'est Bonita Taylor qui s'en charge. You'll Never Know sera inclus dans l'album High Gloss, sorti l'automne 1981. Le single sera classé numéro 12. Alors, c'était en 1981, et ça donnait ça. No. On continue notre exploration des 100 hits qui ont fait le disco. Walking on Music de Peter Jack Band est à l'ordre du jour. Jack Petrus est un DJ guadeloupéen qui sévit à Paris avant de s'installer en Italie où il va se spécialiser dans l'importation de disques soul, funk, disco. En 1978, il se lance dans la production d'artistes disco italiens. Il va rencontrer Marzio Vincenzi qui souhaite sortir une version I'm a Man plus disco. Petrus va le produire et pour ce faire, il se tourne vers Mauro Malavisi pour la direction musicale. Le titre y marche plutôt bien et Petrus décide de réunir une fine équipe de musiciens et de composer sous le nom de Peter Jack Band. Avant de triompher en 1980 avec le groupe Change, cette équipe obtient son plus gros succès avec Walking on Music. Petrus et Malavisi enregistrent la musique en Italie et partent pour New York pour ajouter des voix. L'influence de Cerone ou Voyage s'entend dans le chant, mais aussi dans l'orchestration massive. Le groove principal est joué à un tempo rapide et défile presque tout au long du morceau. Le morceau sera numéro 6 aux USA et il ouvrira le marché américain à Petrus et Malavisi. C'était en 1978 et ça donnait ça. pour la reprise, on va s'attaquer à un morceau qui en a connu pas mal, Don't Leave Me This Way. Aujourd'hui, c'est la version d'Harold Melvin qui va être à l'honneur. Paru sur l'album Wake Up Everybody, sorti en 1975. C'est pas la version la plus connue, parce que les Communards ont vraiment réactualisé le morceau en 1986. Les Communards, à l'époque, ils étaient restés à la première place des tops pendant plusieurs semaines. Mais bon, ça va quand même vous rappeler des souvenirs, parce que c'est assez éloquent. Allez, bonne dégustation. Baby, baby, baby. Alors, le maxi va être un super maxi. Un morceau qui m'a fait tilt quand je suis tombé dessus, par hasard, comme quoi, bien souvent, le hasard, il fait bien les choses. Gary Bird and the GB Experience et son titre The Crown, avec en guest Stevie Wonder, rien que ça. Alors, pour vous le décrire, c'est une sorte de Rapper's Delight auquel Stevie Wonder Funk répond. Le single a cartonné à sa sortie en 1983. Alors, c'est l'unique morceau de ce groupe. Mais alors, quel morceau ? C'est parti ! See who wears the crown. Wear the crown. Vous avez pas menti en vous disant que c'était un super maxi. Bon bah du coup on a plus trop le temps pour la pépite, mais bon, ce n'est que partie remise. Je vous dis bonne soirée, bonne semaine, à samedi prochain, bye bye.